Yeah. Today is 17th of June, year 2016, the third day of our retreat. The previous day, we are mentioned about this vipassana meditation, insight meditation. To understand about ourselves correctly, how to observe to get the mindfulness, concentration, clear comprehension. So when sitting down, the object and mind must stay at the present of the moment. Continuously need to observe what we mentioned of in sitting and walking meditation. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2016, c'est le troisième jour de notre retraite. Au cours des séances précédentes, nous avons vu en quoi consiste la méditation vipassana. Nous avons vu que la pratique de vipassana mène à la compréhension correcte de nous-mêmes. Elle nous apprend à observer correctement, à développer l'attention, la concentration et la compréhension. Nous avons vu tout cela du point de vue de la méditation assise et du point de vue de la méditation en marche. Nous avons compris qu'il fallait toujours rester dans l'instant présent, sans interruption et observer attentivement. En résumé, en posture assise, nous avons vu qu'il fallait observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen qui sont provoqués par la respiration. Vous devez essayer de maintenir votre esprit sur l'objet le plus longtemps possible. Par moments, il y aura des sensations désagréables, des douleurs. N'oubliez pas de les noter également et de les étiqueter. Si vous oubliez de noter les objets qui se manifestent à chaque instant, votre esprit va s'envoler et votre concentration ne pourra pas bien se construire. Il est donc indispensable de s'efforcer de maintenir l'esprit fixé sur les différents objets qui se manifestent constamment. Si nous ne réussissons pas à maintenir notre esprit fixé sur les différents objets, la concentration ne va pas se développer. Elle ne va pas pouvoir se construire. Il est donc nécessaire de fournir un puissant effort pour être attentif sans interruption, chaque fois attraper l'objet, l'étiqueter dans l'instant présent. Si nous nous entraînons de cette façon, les objets vont devenir de plus en plus clairs et nous comprendrons de mieux en mieux leur nature. Pour purifier notre esprit, il faudra cultiver la concentration momentanée. Nous allons essayer d'être constamment attentifs, sans interruption. De cette façon, les impuretés mentales n'ont aucune chance de pénétrer dans notre esprit. L'esprit sera pur à chaque instant d'attention. On appelle cela la purification momentanée de l'esprit. À chaque instant, à chaque moment, l'esprit est pur. Et il faut développer ce type de purification de l'esprit. Il faut s'entraîner à être attentif sans interruption de façon à ce que l'esprit soit pur le plus souvent possible. Si nous réussissons à être attentif ainsi pendant ne fût-ce que 10 minutes, sans interruption, on peut dire que nous expérimentons la purification de l'esprit pendant 10 minutes. L'agitation, que l'on appelle en pali udacha, ne pénètre pas dans l'esprit. C'est impossible. Si l'attention est continue, l'esprit se libère des impuretés mentales et la concentration se développe. L'esprit devient de plus en plus pur. L'esprit est sali par ses impuretés mentales, essentiellement le désir avide, la colère et l'illusion. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ces impuretés mentales salissent donc notre esprit. si nous voulons nous nettoyer l'esprit, le purifier, nous devons faire l'effort d'être attentifs sans interruption. Et ceci est indispensable si on veut progresser dans la méditation. Le plus important, c'est donc de ne pas oublier d'observer et d'étiqueter les phénomènes qui se manifestent à chaque instant. Si nous oublions de noter ces phénomènes, l'esprit va devenir peu clair, embrouillé, et la somnolence ne tardera pas à apparaître. Il faut donc faire très attention, quand on pratique la méditation, d'être toujours attentif d'abord à l'objet primaire, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ensuite à tous les objets secondaires qui sont susceptibles de se manifester. Il faudra également être très attentif à l'agitation et à la somnolence. L'agitation et la somnolence sont des ennemis dans la méditation. Ils nous empêchent de progresser. Si nous voulons les faire disparaître de l'esprit, il faudra être attentif, il faudra les noter. On note agitation, agitation, on prend conscience que l'esprit est soit agité, soit somnolent, et on fait l'effort de revenir à l'objet primaire. Plus nous maintenons notre esprit sur l'objet primaire, mieux c'est. En posture assise, nous allons donc procéder ainsi et notre concentration va progressivement se développer. Après une heure de méditation en posture assise, nous allons passer à la marche. Pendant la marche, nous devrons également développer notre attention. Nous poursuivons notre entraînement. Pendant la marche, l'objet principal, c'est la jambe. Nous allons observer le mouvement au niveau de la jambe. Nous allons commencer par faire une note à chaque pas, puis deux notes à chaque pas, puis trois notes à chaque pas. Nous observons de plus en plus en détail, et nous ralentissons de plus en plus notre allure de façon à pouvoir observer en détail. Si nous nous comportons comme nous avons l'habitude de le faire dans la vie de tous les jours, et que nous marchons à allure normale, l'esprit ne sera pas capable de noter les objets dans l'instant présent. Il oubliera de noter, il va rater beaucoup d'objets, comme par exemple les pensées et ces choses-là. L'attention doit devenir très forte. Il faut que l'esprit soit alerte. De cette façon, nous réussirons à voir clairement les objets. Pendant la marche également, il faut veiller à ce que l'esprit soit très alerte. Pour éviter de trop penser, d'être distrait, il faut maintenir le regard dirigé vers le bas, à 2 ou 3 mètres devant soi. Les mains doivent être maintenues soit dans le dos, soit sur l'abdomen. Et l'esprit est dirigé vers la jambe. Et on note sans interruption tout ce qui se manifeste au niveau de la jambe. Dans les activités quotidiennes, nous devrons également développer notre attention. Par exemple, lorsque vous descendez ou montez un escalier, vous devez le faire avec beaucoup d'attention. Vous vous comportez très lentement de façon à pouvoir observer en détail. Et vous devrez être attentif dans toutes les activités que vous serez amené à faire tout au long de la journée, comme par exemple lorsque vous mangez, lorsque vous vous habillez, lorsque vous vous déplacez. Toutes ces activités doivent être observées très attentivement. Un yogi doit toujours être attentif pendant toute la journée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne doit rien faire de pratique. Les bénévoles sont là pour les servir. Le seul devoir du yogi, c'est de développer son attention, d'observer attentivement, quelle que soit la posture, dans le but de comprendre par expérience directe la nature de tous ces phénomènes. À chaque instant, il faudra donc être attentif. Dans les activités quotidiennes, il faut observer tout ce qui se passe à chaque instant, dans quelle que soit la posture. Il faudra également respecter le silence. Il ne faut pas parler aux autres méditants, ni à qui que ce soit, à moins que ce soit vraiment indispensable. Il faudra faire l'effort d'être toujours attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'esprit doit suivre toutes les actions qu'on est amené à faire. Il doit noter toutes ses actions, que ce soit le fait d'ouvrir une porte, de se doucher, d'utiliser les toilettes. Tout cela devra être observé attentivement au moment précis où cela se passe. Nos cinq sens sont ouverts sur le monde extérieur. Il est donc possible que par moment nous entendions des bruits, comme par exemple le chant d'un oiseau. Mais évitons de nous laisser distraire par ce chant de l'oiseau. Cela ne nous concerne pas du tout lorsqu'on médite. Nous devons simplement noter, entendre, sans nous laisser distraire. Nous gardons notre regard dirigé vers ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si nous voyons quelque chose et que nous avons tendance à regarder, essayons d'éviter de le faire. Notons tout simplement, voir, sans nous laisser happer par ce phénomène. Si ces contacts sensoriels ne vous dérangent pas, ne vous extraient pas de votre méditation, ignorez-les tout simplement. Il faut donc s'entraîner à être toujours présent à tout ce qui se passe à chaque instant. Lorsqu'on pratique dans les activités quotidiennes, nous pourrons constater que les impuretés mentales, les pollutions mentales entrent très facilement dans l'esprit. Si vous ne prenez pas l'habitude de noter de façon continue, il est inévitable que ces contacts sensoriels vont donner lieu au fait d'aimer ou de ne pas aimer. Ces deux réactions sont toujours susceptibles de se manifester si on ne note pas dans l'instant présent. Chaque fois qu'il y a contact avec l'un ou l'autre des cinq sens, ces deux réactions sont donc susceptibles de se manifester si on ne note pas. Si le contact est agréable et qu'on l'aime, c'est l'avidité qui va se manifester dans l'esprit. Si le contact est désagréable et qu'on ne l'aime pas, c'est la colère qui va se manifester dans l'esprit. Si on ne note pas, si on ne voit pas clairement l'objet, c'est l'illusion, l'ignorance qui va se manifester dans l'esprit. Ces trois impuretés mentales ne sont jamais bien loin. Et elles polluent l'esprit, elles le rendent impur. Mais si vous restez dans l'instant présent de façon continue et que vous notez sans arrêt, votre esprit va devenir pur, les objets seront vus très clairement et la compréhension de leur nature va se manifester. Lorsque vous vous serez libéré ainsi des impuretés mentales par l'attention, vous aurez atteint la purification de l'esprit. Nous devrons être attentifs lorsque nous mangerons également. Nous allons nous déplacer vers le réfectoire. Il faut le faire lentement et avec attention. On fait la note mentale, pas gauche, pas droit, jusqu'à ce qu'on ait atteint le réfectoire. Nous allons ensuite voir la nourriture qui est sur la table. Si vous oubliez de noter, voir, il est inévitable que l'avidité, l'oba, se manifeste dans l'esprit. Vous devez donc vous entraîner à noter, voir, lorsque vous voyez la nourriture sur la table, et vous devez le faire de façon continue. Ensuite, vous allez vous servir des différents plats, vous allez les disposer sur votre plateau et vous allez aller vous asseoir à votre place et vous mettre à manger. Tout ceci doit être fait avec attention. Vous allez ensuite déposer la nourriture dans la bouche, vous devez en être conscient. Vous allez mâcher les aliments, les avaler, tout cela doit être fait avec attention. Il faut tout noter. Sinon, si vous oubliez de noter ces choses, il est inévitable que soit l'oba, le désir avide, soit dosa, la colère, se manifestent dans l'esprit. L'oba et dosa sont des pollutions mentales. Bien sûr, il ne s'agira pas de pollutions mentales très importantes. Ce sont des petites pollutions mentales qui vont se manifester à ce moment-là. Mais elles vont malgré tout perturber votre méditation. Ici, nous essayons d'arriver à la purification de l'esprit. Au début, ces petites impuretés mentales ne vont pas trop vous déranger. Mais après une semaine d'entraînement, votre esprit sera devenu concentré, il se sera stabilisé, et ces petites 12 de Loba et de Dosa vont devenir très dérangeantes, tout simplement parce que votre esprit sera devenu plus sensible. On peut comparer cela à de la poussière qui ne vous affectera pas trop si elle se trouve sur votre main. Par contre, si cette même poussière entre dans votre œil, cela sera beaucoup plus pénible et dérangeant, tout simplement parce que l'œil est plus sensible que la main. C'est la même chose en méditation. Lorsque l'esprit devient pur après quelques jours de pratique, ces petites pollutions mentales vont devenir très dérangeantes. Nous devons donc nous entraîner à noter toutes ces choses, mais en détail, même si elles nous semblent anodines. C'est de cette façon que nous pourrons progresser. Si nous ne développons pas une forte attention, notre concentration ne pourra pas bien se développer, elle ne sera pas forte, et en conséquence, nous serons incapables de comprendre la nature du corps et de l'esprit. Efforçons-nous donc de développer notre attention, notre concentration, pour comprendre en quoi consiste réellement la vie. Au début, c'est difficile de maintenir l'esprit dans l'instant présent, tout simplement parce que cet esprit n'est pas encore dompté, il n'est pas habitué. Sa nature, c'est de vagabonder. Dans les Écritures, on compare l'esprit à un poisson qui aime, qui se complaît dans l'eau. Il est habitué à pouvoir se déplacer librement dans l'eau. Mais si on attrape ce poisson et qu'on le sort de l'eau, il sera frustré, il va devenir agité. Il va continuellement essayer de retourner dans l'eau, de replonger dans cette eau. Il faudra faire très attention de le maintenir sur la berge, de façon à ce qu'il ne retourne pas dans l'eau. L'esprit, c'est donc le poisson. Il se complaît dans les kilesas, les pollutions mentales. Il adore penser à toutes sortes de choses. Et il aime bien le faire librement. Il n'aime pas être contrôlé. C'est sa nature. Il vagabonde constamment. Mais ici, nous essayons au contraire de contrôler cet esprit sauvage. Mais cet esprit n'aime pas être contrôlé. Il n'aime pas être maintenu sur un seul objet, tout comme le poisson n'aime pas être sorti de l'eau. Il faudra donc faire très attention de façon à noter de façon continue, même si l'esprit est agité. Après quelque temps, l'esprit sera dompté, tout comme le poisson qui est fatigué de s'agiter hors de l'eau. Il abandonne la partie et alors, à ce moment-là, il devient utilisable. L'esprit également, après un certain temps, sera fatigué. Il ne va plus s'agiter et il va rester maintenu, il acceptera d'être maintenu sur les différents objets. On pourra alors l'utiliser. Au début, ce sera donc difficile de garder l'esprit par l'attention. L'attention, c'est le facteur qui va nous permettre de garder l'esprit, de surveiller l'esprit. Il faudra donc toujours noter de façon attentive les différents objets. Pour y arriver, nous devrons ralentir notre allure, nous devrons observer sans interruption, de façon continue et étiqueter chaque fois ces phénomènes. Si nous observons de façon continue, nous pourrons comprendre la réalité, nous pourrons comprendre la nature des phénomènes qui nous constituent. Lorsque nous prenons notre repas et que nous mangeons, nous devons donc le faire avec attention. Lorsque nous voyons la nourriture sur la table, nous notons voir, voir, et nous en restons au simple fait de voir. Lorsque nous mangeons, que nous avalons, que nous mâchons, nous notons toutes ces choses sans nous laisser distraire. De cette façon, il est impossible que l'avidité ou la colère, le mécontentement, ou tout autre kilesa pénètre dans l'esprit. Nous nous en tenons au simple fait de voir, ou d'entendre, etc. Il y a souvent beaucoup d'attachement au goût. Mais il faut comprendre que ce goût n'est expérimenté que pendant un très court moment par la langue. Et cette expérience se passe très vite. Il faut savoir également que cette nourriture, une fois que nous en aurons expérimenté le goût par la langue, va disparaître dans le corps et ne sera plus attirante. Nous devons réfléchir au fait que si nous nous nourrissons, nous prenons cette nourriture, c'est uniquement pour donner de la force au corps, pour se maintenir en bonne santé. Le goût en tant que tel n'est pas très utile, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas important. Si nous prenons l'habitude de réfléchir au fait que lorsque nous mangeons, c'est uniquement pour maintenir le corps en bonne santé, il y aura de moins en moins d'attachement au goût. Si on s'attache au goût, il est inévitable que des problèmes surgissent. Le goût ne concerne que la langue, il ne peut être expérimenté que par la langue. Lorsqu'il y aura vision, il faut là aussi comprendre que cette vision, cet objet visible, n'est expérimenté que par la base sensitive de l'œil. Et c'est la même chose pour les 5 contacts sensoriels, que ce soit l'œil, l'oreille, le nez, la bouche ou le corps. Chaque organe sensoriel expérimente des objets spécifiques, ceux qui leur correspondent, mais il est impossible que l'œil expérimente, par exemple, un objet audible. L'œil ne peut expérimenter qu'un objet visible. Si nous observons ainsi, nous allons petit à petit comprendre qu'il n'y a jamais là que des causes et des effets. Nous allons comprendre tous les contacts sensoriels de cette façon. Ce ne sont jamais que des causes et des effets. À chaque instant, ces contacts sensoriels ont lieu, mais la plupart du temps, si nous ne sommes pas méditants, ils passent inaperçus. Ici, nous pratiquons la méditation vipassana, justement dans le but de comprendre le lien de causalité qui unit ces choses. Nous devons comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. Nous allons alors pouvoir comprendre la vie et les phénomènes vitaux tels qu'ils sont réellement. Les phénomènes physiques et mentaux ont tous leurs propres caractéristiques et leurs propres fonctions. Mais c'est très difficile à voir, tout simplement parce que nous vivons dans un monde fait de concepts. Il faudra dépasser le concept pour arriver à la réalité. Comment allons-nous faire pour surmonter le concept, pour le dépasser ? Nous allons développer une forte attention, une forte concentration, une forte compréhension. Ceci sera progressif. Cela va se faire petit à petit, par le simple fait d'être attentif de façon continue. Nous allons observer de plus en plus profondément et en détail. La sagesse, la compréhension, les connaissances vipassana vont ainsi se développer progressivement. So wish you all, may you all be able to see the reality of our phenomena and understanding will be built up.